cryptographie. De Yann Corridian et Sophie Quintan. Quatrième épisode. Non, c'est fou ça. Je me souviens plus ni quoi ni qu'est-ce. Chez la psy, j'ai parlé d'un miracle et là, boum, mon frère me doit de l'argent alors que je croyais que... Tu lui rends vers quelle heure, là ? Bon, je sais pas, je vais essayer de passer chez Giovanna, c'est sur le chemin. Non ! Non ? Ah, ok, non, t'as raison, je charrie, quoi. Bon, et j'avoue, je viens de manger une moussaka à la cantine du boulot de Boris. Bien, tout va bien, alors ? Je t'attends pas, quoi. Non, non, m'attends pas, commence, j'arrive. Tu vas déjeuner quoi, chérie ? Quinoa, fenouil, thon, tomate. Ok, bah, je te confirme, ne m'attends pas. Dans la ville d'Alep, on n'entend plus que les tirs d'armes automatiques et les lance-roquettes. Puis, quand le silence entre deux rafales parvient à se faire entendre, alors ce sont les pleurs d'un enfant qu'on déplace. Alep, putain, au secours. Help, quoi. Chérie ? J'ai quand même un nid creux. T'es dans la... Cuisine ! Tiens, il reste ça. Bah, c'est ton assiette, tu finis pas. T'es prié de me dire quand tu décides à l'improviste de déjeuner à 11h à la cantine du canard de ton frère. Oh, bah, je sais, mon amour, c'est nul et minable, mais tu sais que moi, ça me rappelle le resto Hugues Maubert. Allô, allô, pas de bac, pas d'études, pas de resto U. Je sais, mais j'y allais en troisième. C'est bon ce truc, frais et vert. C'est quoi ? Du concombre. Tu reconnais pas le concombre ? C'est du bio alors, hein. Ça ressemble pas du tout au goût du concombre d'en bas, hein. C'est trop bien d'avoir un carrefour en bas de chez nous, hein, chérie. Oui, c'est exaltant. Oh ouais, moi ça me fait ça aussi. Il atterrit à quelle heure ? Vers 22h à Charles de Gaulle, faut que je vérifie. Alors, la gynéco, elle a dit quoi ? Elle dit... Bah, allez, accouche, dis quoi ? Tu crois quoi, toi ? Garçon. Quoi ? Rien ? Fille. Oh, je le savais, j'en étais sûr. Ah bon ? Mais tu disais quoi ? Oui, je sais, je disais garçon, mais je pensais fille. Alors, je me mettais à penser garçon pour ne pas dire fille, alors que j'étais sûr que c'était une fille. Alors, pour ne pas être déçu, je me persuadais que c'était un garçon. Non, mais je déconne, chérie. C'est un garçon. Oh, merde. Je l'ai bien fait, hein ? Hein ? Quoi ? Fille, mon amour. Non mais je suis tellement heureuse d'avoir une fille avec toi. Et c'est quoi cette histoire avec Boris qui te doit de l'argent ? Oh, je sais pas, chérie, je sais pas. Il se trompe, c'est sûr, il doit me prendre pour un autre. T'as pas un frère caché ? Je veux dire, un dont tu m'aurais caché l'existence. Ben non, je te dis tout. Et c'est la première fois. Que Boris se trompe ? Non, que je dis tout à quelqu'un. Et comment on va faire pour l'argent ? Je m'inquiète. J'ai pas envie que notre fille naisse orpheline. De père, quoi. Mais t'es con, je vais pas me faire flinguer pour 4000 euros, hein. Quoique putain, t'as raison. Mais il faut qu'on lui trouve un parrain, non ? Mais qui, j'ai que des copains femmes ? Ben, mon frère. Pierre ? Ah non, Veto. Pourquoi Veto ? Ouais, parce qu'il bah, est... Tu vois, tu trouves pas ? Bah si, mais je te ménage. Bah vas-y, n'aie pas peur, je suis costaud, hein. Bah, il porte une bague. Et alors ? Eh ben, c'est vulgaire. Bah, c'est son alliance. Ah, ah bon ? T'es sûr ? Ça ressemble pas à une alliance, hein. Il y a comme un... Enfin, une... Non, mais il y a rien, hein. C'est dans ta tête qu'il y a des trucs. Dans ta tête, mon amour, hein. J'étais avec lui quand il l'a acheté. Il voulait que je lui donne mon avis. Alors, j'y étais. Non. J'y suis allé, mon amour. Merde, essaye de parler correctement français. Bon, ok. En tout cas, c'était Place Vendôme, chez Bulgarie. Ah, bah ça va, les provinciaux. On va chez Bulgarie, hein. Oui, bah je te signale que je connais la fille Bulgarie. Eh, comment elle s'appelle déjà, la princesse ? Aurorina, un truc comme ça, non ? Genre mythologique ? Alicia. Et on peut pas lui téléphoner pour l'argent ? Mais t'es pas bien, mon petit bonhomme. Ah non, stop. Pas de mon petit bonhomme, hein. Jamais. Sinon, je te tue. Et je garde le bébé. C'est dingue quand même d'avoir chacun la nôtre. Chacun notre quoi ? Notre italienne pétée de blé. Ah, ouais, j'avoue. Je vais passer chez Giovanna vers 15h et si j'osais... Tu oseras. Tu as bien osé avec moi. Oh, c'est pas la même chose. On fait une mini-sieste ? Quoi, rien? Tu trouves que j'abuse aujourd'hui de vouloir faire une sieste, c'est ça? Pfff. De toute façon, tu trouves toujours que j'abuse pour la sieste. N'empêche que... Que? Bah, si on n'avait jamais fait de sieste, toi et moi, eh ben, Tintin le bébé. Non, n'importe quoi, c'était pas pendant une sieste, c'était chez tes parents. Bon, ça va pas, non, on le fait jamais chez mes parents. Oui, alors que chez ma mère, t'es jamais gêné. Bah, elle est sourde, ta mère. Bon, t'arrêtes avec ma famille? Avec ma mère sourde, avec mon frère qui porte une alliance très vulgaire, c'est bon. Tu te calmes, merci. Il te considère, je te signale. Et puis moi, je dois pas 4000 euros à mon oncle Patrick. Bah ça c'est sûr, il est archiviste. Bibliothécaire. Je sais pas comment Paul va le prendre. Sieste alors? Sieste. Bonjour, et oui, c'est Olivier. Vous pouvez me laisser un message afin que je puisse vous rappeler. Merci. C'est moi, je profite d'une escale à Abu Dhabi pour te confirmer mon arrivée aujourd'hui. Il fait trop froid dans l'aéroport, il pousse trop la clim ici, je vais attraper froid, moi. Bon, j'espère que tu vas bien, que ma petite Roro aussi. J'espère aussi que tu as l'argent que tu me dois. Je suis désolé de te le réclamer comme ça sans prévenir, mais... Bon, ben je te laisse, hein. Tu dois être en train de suer sang et eau pour le trouver. Ah, il faut que je file, on nous appelle pour monter dans l'avion. À tout à l'heure, alors. Au revoir. Mythographie de Yann Corridian et Sophie Quintan. Quatrième épisode. Avec Guillaume de Tonquédec, Laure Calamy, Éric Herson-Macarel et les voix de Fatima Aïdbou et Nelly Morgenstern. Bruitage, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Emmanuel Armin, Yaël Mandelbaum, Laure Egoroff.